Ah, Hemingway. Il se mettait toujours là où vous êtes, mademoiselle. Ah oui, vraiment? Oui, mademoiselle. À cette même table. Pas possible, c'est vrai? Oui, mademoiselle. Ah, quel homme! Vous l'avez connu? Non, mademoiselle, je suis trop jeune. Il n'y a qu'un an que je suis à la closerie. Mais on me l'a dit, mademoiselle. Des gens qui l'ont connu. Quel écrivain, quel talent. Vous l'avez lu? Non, mademoiselle, je n'ai pas le temps. Vous savez ce que c'est? Le travail, la famille, le jardin. Je ne connais pas son œuvre, mais j'en ai entendu parler. Il paraît qu'il buvait beaucoup. Bon, c'était un écrivain de génie. Eh bien, moi, je ne suis pas écrivain, et je n'ai pas de génie, mais je crois que je vais quand même voir. La même chose. S'il vous plaît. Vous avez connu Hemingway? Oh non, mademoiselle, je suis trop jeune. Oh non, je suis trop jeune. Est-ce que le garçon a connu Hemingway? Non, il est trop jeune. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Ah non, non, mademoiselle, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Est-ce que le garçon a lu des œuvres d'Hemingway? Non, il n'a pas le temps. Je ne connais pas son œuvre, mais j'en ai entendu parler. Je ne connais pas son œuvre. Mais j'en ai entendu parler. Comment est-ce qu'il connaît l'œuvre d'Hemingway? Il en a entendu parler. Il paraît qu'il buvait beaucoup. Il paraît qu'il buvait beaucoup. Que faisait Hemingway à la closerie des Lilas? Il buvait beaucoup. Eh bien moi, je ne suis pas écrivain, mais je crois que je vais quand même boire. Eh bien moi... Je ne suis pas écrivain. Mais je crois que je vais quand même boire. Je crois que je vais quand même boire. Qu'est-ce que Robert veut faire lui aussi? Il veut boire.